l'ambiguoise d'Adi. Pour le post-croûte sans système family. Hey, hey, hey, hey, oh, yeah. Donne-moi le P, oui, donne-moi le O, oui, donne-moi le S. C'est l'ambiguoise d'Adi, je galope, j'augmente la vitesse. Donne-moi le P, oui, donne-moi le O, oui, donne-moi le S. C'est le post-croûte sans système à nouveau bien joué en finesse. Donne-moi le V, oui, donne-moi le O, oui, donne-moi le S. Ça sélectionne la voix sur rap, c'est l'homme qu'on appelle King S. Donne-moi le V, oui, donne-moi le O, oui, donne-moi le S. C'est pour tous les balmois et toutes les princesses. Sans moi, je t'entends même pas, regarde, je te vois même pas. Appelle même tous tes gars, tu vas marcher au pas. Car pour toi, sans le glas, lors de la guérilla, je suis un réel sniper, un lyrical. Malamada, malamada, dans les dancehalls, les bad boys disent oh. On va qu'il est 2-3 soundboys, on y go. C'est un pas de lyrics, mon ami, ouais, pour toi c'est chaud. T'aurais pas dû tester, ni même venir si tôt. Donne-moi le P, oui, donne-moi le O, oui, donne-moi le S. C'est long, baby, well, dandy, je galope, j'augmente la vitesse. Donne-moi le P, oui, donne-moi le O, oui, donne-moi le S. C'est le post coup, son système à nouveau bien joué en finesse. Donne-moi le P, oui, donne-moi le O, oui, donne-moi le S. Ça sélecte un level sur rap, c'est l'homme qu'on appelle King S. Donne-moi le P, oui, donne-moi le O, oui, donne-moi le S. C'est pour tous les balmois et toutes les princesses. Depuis des années que j'ai le raga dans la peau. Ma passion est primordiale, toujours au plus haut. C'est vrai que je prends mon temps pour écrire des mots. Mais comment je te tue et t'assassine au micro. Oh oh oh oh. Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey h